Les aventures merveilleuses du prince Poltronet et de la princesse Fêlée, conte fantastique par Saint-Aignan Scholaire. Chapitre 1er. Comment le prince Poltronet eut peur, selon son habitude, et comment l'écuyer d'Ondin eut du courage comme à l'ordinaire. Par-delà le royaume de Cachemire, vers les confins du Kataï, s'étendait autrefois et s'étend encore un vaste désert. La végétation y est tout à fait inconnue. Il n'y pousse absolument que de petites montagnes de sable, et les gens qui n'aiment pas la variété des points de vue n'ont là qu'à ouvrir les yeux pour se donner de la satisfaction. C'était longtemps avant que l'Europe fût découverte. Le soleil, brillant au milieu d'un ciel blanc à force d'être bleu, s'amusait tranquillement à rôtir cette terre aride afin de n'en pas perdre l'habitude. Pourtant, il avait dépassé le milieu de sa course et l'ombre aurait commencé à s'allonger sur le sol s'il y avait eu de quoi faire de l'ombre. Tout à coup, le sommet d'un de ces monticules, qui faisait ressembler le terrain à une mer subitement figée, parut s'animer. Deux têtes, puis deux corps, puis deux chevaux, arrivèrent au point culminant, restèrent un instant visibles sur le fond étincelant que leur faisait le soleil luisant derrière eux, et descendirent la pente opposée à celle qu'ils venaient de gravir. Il était facile de reconnaître que des deux cavaliers, l'un était le maître et l'autre le serviteur. Le premier était un jeune homme de bonne mine, richement vêtu comme l'étaient les princes à cette époque. Il avait une jaquette à bricots, rehaussée de broderies en or, des chausses collantes et des bottes grises qui s'évasaient en entonnoir tout de suite au-dessus de la cheville, une large écharpe bleue brodée en argent, placée presque sous les bras, comme c'était la mode alors, soutenait une épée dont la poignée en croix était ornée de turquoise et dont la lame se cachait dans un fourreau de cuivre jaune. Une plume bleue, se balançant juste au-dessus de sa figure, s'attachait par une agrafe de saphir à sa toque jaune, dont la forme côtelée rappelait vaguement un bourrelet. Cette coiffure seyait fort bien à son visage enfantin, encadré de cheveux blonds. Cette douceur de physionomie, jointe à la timidité tranquille de son caractère, avait fait donner au jeune prince le nom de Poltronet. Fils d'un roi puissant qui aimait la paix, il avait été élevé par sa mère et avait pris, dans la société des femmes, la douceur modeste dont toutes ses manières étaient empreintes. Voyant les dames crier à la vue d'une araignée, il faisait comme elles et ne tuait la laide bête qu'avec les plus grandes précautions et en manifestant la plus vive frayeur. On l'appelait donc le prince Poltronet, et il grandit ainsi, ne s'occupant que de prendre des plaisirs paisibles, mangeant à table, dansant au bal et écoutant modestement ce qu'on disait. Pourtant, un jour que la conversation avait roulé sur les mérites des princesses étrangères, et principalement sur la beauté merveilleuse et le prodigieux esprit de la fille du roi de Serendip, il devint soucieux, et son père fut étonné lorsqu'il l'entendit, après beaucoup de circonlocutions, lui demandait la permission de voyager. Le roi, qui était sage et qui savait que les voyages forment la jeunesse quand ils ne la déforment pas, après en avoir conféré avec la reine, sa femme, décida que le prince partirait. Celui-ci, avec sa modestie ordinaire, demanda qu'on lui donnât un compagnon qui eut les qualités dont il manquait lui-même et dont le courage put lui servir de leçon et d'exemple. Il y avait justement, aux environs du palais où demeurait le roi, un paysan nommé Dondin qui s'était rendu célèbre par sa force et sa vaillance. C'était merveille de l'entendre raconter les exploits qu'il avait accomplis. Une fois, il s'était battu corps à corps avec un lion et il montrait pour preuve son habit déchiré. Une autre fois, il avait tué un bœuf furieux d'un coup de poing. On ne l'avait pas vu et il y avait des incrédules qui secouaient la tête, mais comme il ajoutait, après l'avoir assommé, je l'ai mangé. Et qu'on l'avait vu en effet manger beaucoup d'aloyaux, on était bien forcé de croire ce qu'il disait. Il fut donc convenu que Dondin accompagnerait le prince, et il l'accompagna en effet. C'était lui qui suait, haletait et soufflait tout en chevauchant à côté de son maître. Dondin était un gros petit homme. Ses courtes jambes, cachées dans des bas chinés, avaient de la peine à arriver au bas de la selle. Il portait des chausses et un pourpoint de drap vert, et une ceinture de cuir écru se bouclait sur son ventre flottant, qui avait toujours l'air de vouloir passer par-dessus. Sa large face rouge reluisait au-dessus d'une fraise empesée, comme une grenade dans un plat. Enfin, un chapeau de feutre à large bord lui servait de coiffure et ombrageait facilement son nez, qui, tout plat à la base, projetait tout à coup une petite pointe rouge entre ses deux grosses joues. De temps en temps, Dondin tirait de sa poche un mouchoir à carreaux et s'essuyait le front en jetant sur son maître des regards de désespoir. Enfin, n'y tenant plus, « Monsieur, » dit-il. Le prince qui marchait, absorbé dans ses pensées, ne l'entendit point. « Monsieur, » répéta Dondin, « sommes-nous bientôt arrivés ?»« Je ne sais pas, » répondit Poltronet. Dondin regarda mélancoliquement son ombre qui marchait devant lui et remua dans son pourpoint ses épaules qui lui cuisaient. Au bout d'un instant, « Monsieur, depuis que votre illustre père m'a fait l'honneur de m'attacher à votre personne comme compagnon de voyage, je vous ai suivi respectueusement sans troubler vos réflexions. Mais comme ça m'ennuie d'avaler mes paroles, qui ne calment pas du tout la soif qui m'étrangle, je voudrais, par manière de conversation, vous demander où nous allons. J'espère qu'il n'y a pas d'indiscrétion. » « Nullement, » dit Poltronet, « nous allons voir la princesse Fleur d'Esprit. » « Et sans vous commander, » reprit l'écuyer, « qu'est-ce que c'est que cette princesse-là ? » « C'est la fille du roi de Sérindip. » « Et pourquoi allons-nous la voir ? » ?»« Parce que j'en suis amoureux. » « Hum, » fit Dondin, « elle est donc bien belle. » « Je le crois, » dit Poltronet. Et voyant que Dondin le regardait d'un air étonné, « Je ne l'ai jamais vue qu'en songe, » continua-t-il. « Un jour que j'avais entendu dire des merveilles de son esprit et de sa sagesse, j'ai rêvé d'elle et j'en suis devenu amoureux fou. Si elle est telle que le sommeil me l'a montrée, je suis sûr que je la reconnaîtrai en la voyant. Elle est charmante, mais c'est son esprit merveilleux qui m'a séduit. » « Alors, si elle a tant d'esprit, » reprit l'écuyer, « elle nous fera des calembours et ça m'amusera. » Je souhaite que vous réussissiez dans votre entreprise. « L'amour triomphe de tous les obstacles, » dit le prince. « Hum, fit encore Dondin. « J'aimerais bien être à l'ombre, et ça ne me fait pas pousser un parasol sur le dos. » En ce moment, comme pour donner un démenti aux paroles de l'écuyer, un petit nuage passa sur le soleil, et Dondin poussa un soupir de satisfaction. « Tiens, » dit-il, « on dirait que mon souhait s'est accompli. » Mais tout à coup il poussa un cri de terreur. « Monsieur, monsieur » fit-il d'une voix entrecoupée. « Regardez donc, là, par terre, mon ombre. Il me pousse des cornes, elles viennent. » Et il montrait du doigt la terre grise, où Poltronet vit en effet deux cornes mobiles et grandissantes sortir de l'ombre allongée produite par la tête de l'écuyer. Il leva les yeux en l'air, et il vit un char traîné par deux dragons qui passaient juste au-dessus d'eux, fendant rapidement l'espace. Bientôt il fut loin devant eux. « Tu m'as fait peur, » dit Poltronet à son compagnon, « mais ce n'est rien. »« Vous croyez ?» dit l'écuyer dont la voix étranglée s'entendait à peine. « C'est un enchanteur qui va à ses affaires, » reprit le prince. « Ce n'est pas à nous qu'il en veut. » « Je l'espère, » fit Dondin. « Quoique je ne m'effraie pas facilement, je n'aime pas les enchanteurs. Il n'y a rien à gagner avec eux. Puisque celui-là va droit devant nous, je crois que nous ferions bien de tourner un peu à droite. »« Bon, » dit Poltronet, « il est déjà bien loin. Toi qui es brave, marche devant et avançons. Le jour va bientôt finir. » En effet, le soleil était près de l'horizon. En même temps, le chemin changeait d'aspect. Après avoir monté quelque temps, les deux cavaliers descendaient une pente rapide qui s'enfonçait entre des rochers entre lesquels s'élevaient des arbres, rares d'abord, puis de plus en plus nombreux. Déjà le soleil avait disparu derrière le sommet qu'ils venaient de quitter et la route allait se perdant dans l'ombre quand au milieu des ténèbres s'alluma tout à coup une lueur rouge. Dondin, qui s'était arrêté pour la faire remarquer au prince, se rangea pour qu'il pût la voir, et en profita pour reprendre derrière lui la place qui convenait à sa condition. Ils avançaient aussi vite que pouvaient aller leurs chevaux fatigués, quand tout à coup Dondin s'arrêta. « Monsieur, » dit-il, « j'ai entendu un cri. » « Moi aussi, » dit le prince, et il donna un coup d'éperon. Dondin aurait bien tourné bride, mais il réfléchit qu'il allait être seul. D'ailleurs, le cheval sentait un endroit habité, et voyait courir son camarade devant lui. Il se mit à courir à sa suite. Mais plus chargé, il était plus las que celui du prince, et il restait forcément en arrière. Pourtant, il courait toujours, malgré les efforts que faisait Dondin pour l'arrêter à mesure qu'il avançait. En effet, la lueur rouge grandissait, et Dondin reconnaissait qu'elle sortait de la fenêtre d'une maison située juste au bout de la route. On entendait des cris. Une épaisse fumée s'élançait de la cheminée, et sur le toit était arrêté le char que Dondin avait vu passer. En vain, il essayait de retenir son cheval. L'animal courait toujours, puis il tourna subitement à droite et s'arrêta brusquement de lui-même au moment où Dondin aurait voulu qu'il galopât plus fort que jamais. L'écuyer, qui ne s'y attendait pas, sauta par-dessus sa tête et resta étendu par terre. Le prince était là, frappant un coup redoublé à une porte qui ne s'ouvrait pas. « La fenêtre ! » cria-t-il en voyant Dondin. « Cours à la fenêtre et brise un carreau, nous entrerons par là. »« Oh, monsieur !» s'écria Dondin sans bouger. « Allons-nous-en d'ici, vous allez avoir peur. »« J'ai assez peur comme ça, » dit le prince. « Ces cris me percent l'âme. » Et il courut lui-même à la fenêtre. Il donna un grand coup de poing dans une vitre, mais la vitre ne se brisa pas et il porta sa main à sa bouche. « Diable !» dit-il. Le carreau était plus dur que le diamant. En ce moment, Dondin arrivait. Sur l'ordre de Poltronet, il frappa à son tour, tout doucement d'abord, puis plus fort, à mesure qu'il reconnaissait que les carreaux étaient solides. Pendant ce temps-là, Poltronet regardait. Ce qu'il voyait était étrange et effrayant.